Salut Pierrot. Salut Vic, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Très très bien. Comment ça se passe du côté de la Suisse? On s'apprête à avoir des votations, c'est-à-dire qu'on a des lois qui ont été proposées au Parlement il y a cette année en tout cas, et donc maintenant sont soumises au peuple pour être acceptées ou rejetées, et y compris deux, trois initiatives populaires et des référendums. Donc voilà, c'est une période un peu de politique, de discussion, de débat, mais c'est relativement mineur. Et, je ne sais pas si sinon, tu réalises, tu es en train de parler de l'extraterrestre, des lois soumises au peuple, des référendums. Oui. C'est quoi ça? On n'a pas ça chez nous. C'est les restes de démocratie directe qui nous restent encore et qui nous permettent de tenir le coup face aux immondes politiques corrompues de l'Union européenne. Donc on a encore la chance de pouvoir... Par exemple, on a un sujet de loi assez... Enfin, pour donner un exemple, on a un sujet de loi qui est tout à fait typique, c'est qu'on nous demande si on veut augmenter les cotisations de retraite que l'on donne aux retraités. Et donc, on doit dire oui ou non, est-ce qu'on va augmenter de 1% de base qui est proposé les retraites des personnes âgées. Et le débat, c'est donc, oui, est-ce que c'est bien d'augmenter l'argent pour les personnes âgées? Et les gens qui sont contre, dont je fais partie, c'est de dire, oui, mais à la fin, qui paye? Parce que soit on creuse de la dette, soit on va devoir faire des impôts, augmenter les charges patronales, salariales ou autres. Et donc, moi, il me semble qu'il n'y a personne qui meurt de faim en Suisse. Les retraités, en plus, c'est des baby boomers, donc ils ont déjà salopé le monde suffisamment. C'est bon, on n'a pas besoin de leur donner plus. Une autre loi qui est beaucoup plus intéressante à mon avis, c'est que suite aux vagues d'attentats terroristes qu'il y a eu ces derniers temps, le gouvernement propose une loi qui permet à la police d'avoir le droit d'espionner les citoyens sans avoir à avoir un mandat d'un juge. Oui, tu en parlais sur ta page il y a quelques temps. Tu en parlais sur ta page Facebook il y a peut-être une semaine ou deux. C'est une sorte de Patriot Act ou de loi de surveillance augmentée. Et en fait, je suis contre, parce que ce n'est pas parce qu'on a des menaces terroristes qu'on doit surveiller sans autorisation, sans suspicion, tous les citoyens. D'autant que les terroristes n'étant pas bouddhistes, catholiques et autres, il me semble que c'est assez facile de cibler les éventuels suspects et donc à ce moment-là, demander à un juge d'instruction de faire une demande, qui donne l'autorisation à la police de faire des surveillances. À mon avis, la loi existante... Oui, mais ce serait raciste. Oui. Mais la réalité est raciste. D'ailleurs, ce n'est pas une question de race. Et encore, et quand bien même, ce n'est pas une question de toute façon de... C'est une question de probabilité, de statistique. Eh oui. Donc voilà... En Suisse, nous avons une cinquantaine de Suisses qui sont partis en Syrie. Une trentaine sont revenus. Et comme on ne les a malheureusement pas abattus dans un de nos lacs profonds au moment où ils sont revenus, eh bien, maintenant, il faut les surveiller. Mais ça, on sait le faire et on le fait alors que avoir des lois supplémentaires et liberticides, c'est toujours un mauvais calcul. Les libertés, une fois qu'on les rend, c'est très rare qu'on puisse les reprendre. Ben, on les perd pour toujours. Voilà, donc, comme disent les Américains, dont on parlait tout à l'heure, l'arbre de la liberté doit être arrosé régulièrement par le sang des tyrans et des patriotes. Donc, on va essayer d'éviter de faire ce genre de botanique, mais tant qu'on peut. Mais quand on rend les libertés, après, elles ne se récupèrent que dans le sang, malheureusement. C'est l'histoire qui nous l'apprend. Et voilà, donc moi, j'encourage autour de moi aux gens de réfléchir, de dire, attention, la sécurité... c'est pas celle que vous croyez. C'est vrai. Si on parlait des États-Unis, justement, il se passe des choses passionnantes aux États-Unis. Un climat de guerre civile, une élection présidentielle qui peut être annulée. C'est étonnant que lorsque un policier noir tue un Américain noir dans une ville à majorité noire, où le maire est noir, où les tribunaux sont noirs, on donne la faute aux blancs. Et donc, il y a évidemment une manipulation dans un contexte d'élection présidentielle. et de essayer de récupérer le vote des Afro-Américains qui sont dans leur majorité extrêmement pauvres aujourd'hui, largués par l'économie. Ils sont remplacés économiquement par les Hispaniques dans toutes les strates des entreprises où d'habitude ils pouvaient travailler, et qui ont en plus une culture qui s'est imposée dans les années 70 et qui donne les résultats aujourd'hui, où en fait il n'y a plus de famille unie, il y a une culture de famille monoparentale, de femmes seules avec des enfants, chacun eu d'un père différent. Les pères sont soit en prison, soit profitent de l'État-providence pour, dans le pire des cas, être fainéant et avoir une vie semi-criminelle, liée aux drogues, etc. C'est une catastrophe, c'est une vraie, véritable catastrophe. Et, est-ce que c'est sur ta page que j'avais lu? La faute incombe à l'État américain. Ah oui, définitivement. C'est sur ta page que j'avais lu une étude qui montrait que les enfants métis d'un parent noir, ben d'un père noir et d'une femme de différentes couleurs, de blanc à rouge, en passant par le jaune, 90% de ces enfants-là avaient un père absent. Autrement dit, le père noir abandonnait le foyer quand c'était un enfant métis. Ouais. C'était sur ta page. Dans 2% des cas, le père payait les contributions familiales à la mère. Donc la moralité, c'est que si vous êtes une femme, il ne faut pas faire d'enfants avec des noirs. Statistiquement, vous êtes baisé, largement baisé dans l'histoire, parce que vous allez finir seul avec des enfants à charge, et le mec sera pas là. Alors, encore une fois, ce sont des statistiques qui sont racistes, la réalité, elle l'est, mais ce qui est vrai, c'est que ce n'est pas, et c'est là où souvent j'ai des amis qui sont un peu plus durs et qui eux disent, voilà, c'est la faute des Noirs. Et moi, je leur dis, non, ce n'est pas la faute des Africains, ce n'est pas la faute des Noirs. C'est la faute d'un... Alors, à la fin, on est tous responsables de nos actes, en fonction de notre capacité intellectuelle de réfléchir à la situation. Mais la vraie faute, le coupable principal, c'est un état social et une volonté de détruire les structures familiales des Afro-Américains qui ont commencé dans les années 70, c'était des programmes du FBI, de Herbert Hoover, c'était un de ses derniers programmes, de détruire les mouvements de l'émancipation et de liberté des Africains aux États-Unis, en cassant les structures familiales. Et le moyen qui a été utilisé, c'était le moyen culturel, c'est-à-dire de sponsoriser par leurs amis des producteurs musicaux de New York notamment, et aussi de Californie, des groupes de musique qui, au lieu de promouvoir une musique qui est éventuellement divertissante ou constructive, au contraire, une musique qui amène le culte de l'argent, le culte du sexe, de la promiscuité. Et ça a pris, et donc aujourd'hui on a cette culture gangsta, cette culture du ghetto, comme on appelle aux États-Unis, qui a détruit la culture qui était déjà fragile. Parce qu'évidemment, ils viennent d'une culture qui est issue en partie de l'esclavage, en sachant qu'il n'y avait que 4% des sudistes qui avaient des esclaves, que 4%. Oui. Et notamment les familles de la religion qu'on n'a pas le droit de noter. Qu'on n'a pas le droit de mentionner, qui eux avaient essentiellement, qui étaient l'essentiel des propriétaires d'esclaves. Ça aussi, personne ne le dit. Bref, mais il y a une chose que les gens savent peu, et je suis tombé là-dessus, c'est un jugement qui avait été rendu en faveur d'un noir aux États-Unis, 18e siècle, un noir qui était libre, et auquel on lui contestait le droit d'avoir des esclaves africains. Oui. Et finalement, le tribunal lui a donné raison. Parce qu'il était un homme libre, il avait droit de posséder des esclaves, même s'il était lui-même d'origine africaine. Il y avait des Noirs libres, même dans le Sud, et qui étaient propriétaires d'esclaves. Ouais. Et il faut comparer ça au Nord, qui a eu aussi de l'esclavage. Et avant l'abolition de l'esclavage, d'abord au Nord, il faut savoir que les Anglais utilisaient essentiellement des Irlandais comme esclaves, et que les Anglais considéraient les Irlandais comme étant des singes. Et que jusqu'au milieu du 19e siècle, l'Irlandais était considéré comme n'étant pas humain. Et qu'il était traité moins bien que les esclaves africains. Et souvent, ils obligeaient les esclaves africains de s'accoupler avec des Irlandais, donc, pour essayer d'avoir des métis qui, du point de vue des maîtres, qui étaient les Anglais, et pas que les Anglais, mais enfin que des Anglais en tout cas de nationalité, afin d'avoir à la fois la vigueur et aussi des gens capables de peut-être travailler à la maison. Et la raison pour laquelle il disait que les Irlandais étaient des singes, c'était parce qu'ils aimaient bien danser. Et que pour l'anglais qui était un peu strict et protestant et avec une optique très de peuple élu, l'Irlandais et l'Africain qui aimaient danser, qui aimaient le rythme, étaient considérés comme étant les enfants du diable et donc qui n'étaient pas humains. Et ça, on oublie de le dire que tout comme en Afrique, les Africains mettent en esclavage, ont toujours mis en esclavage d'autres tribus. Ouais, et qu'on a, justement, on a tous malheureusement cet instinct de se considérer supérieur aux autres tribus, aux autres groupes humains. D'ailleurs, un ami ivoirien qui était à l'époque était ministre, qui était un très bon copain, qui est toujours un bon copain, me disait que, tu vois, les Européens du Nord considèrent les Européens du Sud comme étant des singes, les Européens du Sud considèrent les Arabes comme des singes, les singes considèrent les Africains d'Afrique subsaharienne comme des singes, les Africains d'Afrique subsaharienne considèrent les Africains du Sud de l'Afrique comme des singes, et les Africains du sud de l'Afrique, ils n'ont que les pingouins pour se sentir supérieurs. Et tout ça pour illustrer un fait qu'en réalité, on doit mûrir en tant qu'espèce, parce que la dure réalité, c'est qu'on est très rapidement, surtout lorsqu'on est manipulé, parce que c'est ça le fond de l'histoire, on est manipulé par des gens qui sont capables de nous mettre les uns contre les autres, et qui sont capables de nous dire, ben voilà, regarde, ils sont pauvres, donc ils sont moins bien, et ils sont différents, donc ils sont moins bien. Et on a eu cette illusion pendant peut-être des années 60 aux années 90, qu'on était passé au-delà de ça. Mais malheureusement, aujourd'hui, on nous remet dans cette situation en nous faisant venir, en mélangeant de force des populations qui vont inévitablement, et qui sont déjà en train, je pense que c'est consumé, c'est trop tard, créer de nouveau les conditions pour qu'il y ait une haine génocidaire. Je pense qu'il faut utiliser le mot. Il y a des incompatibilités, je dirais pas civilisationnelles, mais de mentalité. Il y a des valeurs qu'on retrouve à certains endroits dans le monde. Ça fait partie d'un système qui est équilibré. Elles sont justifiées par l'environnement, par l'histoire, par la tradition, par la religion. Ça fait un équilibre. Prends ce corps de valeurs-là, transpose-le dans un pays nordique qui est froid, où l'eau est abondante. C'est plus la même rareté. Ça vient complètement changer la donne. Mais ces gens-là ne s'adaptent pas aux nouvelles valeurs parce qu'ils tiennent à ce qu'ils sont. Non, et puis... Et on leur dit que c'est bien, en plus. Et on leur dit que c'est bien de conserver leurs valeurs. Bien sûr, mais tu sais, on sait ce qu'on en dit. Tu sais, l'Afrique aux Africains, l'Asie aux Asiatiques et l'Europe à tout le monde. Ouais. Et en fait, il y a une mise en place d'une volonté de... Je ne sais pas si on veut vraiment remplacer les peuples par un autre, mais en tout cas, on veut détruire et qu'on veut mettre en place en fait une domination, une caste qui, elle, ne se mélange pas et qui reste unique sur une masse qui, elle, va être de force mélangée, qui va être de force pauvre et ravagée. Ça va être une sorte de... Ça va être pire que le Brésil. Hein. C'est un projet fou. Moi, je pense qu'il ne va pas fonctionner parce que, de toute façon, nous sommes dans une phase, comme tu sais, de convergence, de grands problèmes qui vont amener à... Ouais. Si tout allait bien encore pendant 50 ans, je pense que ce projet aurait des chances de fonctionner. Mais comme là, tout est en train d'être hors contrôle et que c'est déjà le chaos partout... Et ça gratte et ça pique partout. En Allemagne, déjà, les Allemands ont commencé à riposter de façon violente. Oui, ils commencent à voter comme ils ont toujours voté. Oui. Ça va être de nouveau... Chasser le brun, il revient au galop. Mais voilà, quoi, ça va être le... Mais bref, c'est comme ça. Et puis, ça va être comme ça en Italie, ça va être comme ça en partout. Et bon, ben voilà, il faut juste aussi se préparer à ce genre de chaos. Est-ce que ça veut dire qu'on le souhaite? Non, moi je souhaite que tout le monde soit adulte, libre dans sa tête et qu'il n'y ait pas d'état anarchiste, mais malheureusement, voilà. Non, mais il faut toujours le répéter, parce qu'après les gens ils comprennent pas, tu as vu, on avait fait une vidéo, on plaisantait, et il y a des gens qui m'envoient des messages en disant, mais vous pensez vraiment ce que vous dites? Et je dis, mais non, t'as remarqué que c'était un 1er avril. Bien sûr, il y a des gens qui ne comprennent pas. Hein. Là aussi, c'est un des problèmes. Oui. C'est qu'on a une population qui est bête. Quoi. En général, oui. je m'en étais pas rendu compte avant de devenir une personne publique, entre guillemets. Mais depuis, écoute, je dois subir les trolls, je dois subir toutes sortes de trucs. Mais aussi des gens qui sont sincères et qui ne comprennent pas. On a de la chance de rencontrer des gens bien. Ah oui, et en grande quantité, ce qui me rassure un peu. Mais la quantité de gens qui ne comprennent pas, parfois des trucs même pas très subtils, simplement plus compliqués que noir et blanc, non, ça leur échappe. Ils deviennent en colère ou complètement désespérés. Pourtant, écoutez, analysez, prenez le temps. On ne donne pas des choses toutes faites, toutes mâchées. Vous devez les mâcher vous-même, les avaler, les digérer et réfléchir, mais réfléchir de nos jours. Un peu difficile. C'est pour ça que les religions, elles marchent bien, c'est parce qu'elles offrent des solutions simples, simplistes et qui ne demandent pas de réfléchir. Et malheureusement, beaucoup de gens ne réfléchissent plus, donc il y a un retour de ça. C'est pas que les religions. Tu vois, depuis le 18e siècle, l'être humain a progressé dans ce qu'on pourrait appeler la noosphère et on est entré dans l'ère des idéologies. Désormais, on définit le monde et c'est au monde à se plier à nos définitions. Et on voit comment ça fonctionne bien. Hein. C'est une forme de religiosité, tu vois. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais on n'a plus besoin de croire en un être surnaturel, à moins d'être franc-maçon, évidemment. Ah, mais... eux, ils sont bizarres. Ah. Eux aussi, ils ont été, tu sais, j'écoutais aujourd'hui un auteur que je ne sais pas si tu connais, Francis Cousin. Oui, oui. Qui est quelqu'un qui dit des choses vraiment très intéressantes. Ouais. Ça me fait beaucoup réfléchir. C'est quelqu'un qui me fait évoluer en ce moment dans l'analyse des choses. J'ai essayé de monter encore un cran. Et c'est vrai que, comme l'Église catholique, par exemple, les francs-maçons aussi, je pense qu'ils sont partis sur des bonnes idées, des bonnes philosophies. Et à un moment, en route, leur avion a été détourné. Ils ont été infiltrés, et, comme l'Église. Ben, c'est le passage de la franc-maçonnerie opératoire à la franc-maçonnerie spéculative. À un moment donné, quand on utilise un outil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été créé, ben, on obtient des mauvais résultats. Oui, parce que même, par exemple, je disais un truc sur, tu sais... Adam Weishaupt, le fondateur des Illuminati de Bavière, donc c'est un truc qui est actuel, qui existe. Ouais. Je lisais un truc parce que tout le monde en parle, alors je voulais une fois en lire un peu là-dessus. Puis en fait, c'est tout à fait en tout cas, les objectifs annoncés sont tout à fait pour l'amélioration de l'être humain, des libertés, de la connaissance, de la science. Enfin, c'est assez intéressant. Après, je sais pas comment ça a été dévié et dévoué pour finir dans des systèmes comme les Skull and Bones, qui sont finalement des groupes d'influence, des associations d'influence pour des gens extrêmement riches, donc extrêmement puissants, et qui en abusent. Mais voilà, ça c'est l'être humain. L'être humain, il est un peu... Depuis qu'on est entré dans l'ère des idéologies, donc l'ère où on va définir l'être humain, l'ère où on veut produire un homme nouveau, un homme meilleur, on a vu le socialisme apparaître, on a vu le communisme apparaître, on a vu le national-socialisme, le néolibéralisme, et tout ça, dans les trois premiers cas, on veut créer un homme nouveau. Dans le quatrième cas, dans le cas du néolibéralisme, on ne veut pas créer un être nouveau, on veut simplement marchandiser l'être humain. Dans tous les cas, c'est l'individu et les sociétés qui paient le prix fort. Ça crée des guerres. La Deuxième Guerre mondiale, dans le fond, la seule guerre qui était nécessaire pendant cette guerre-là, c'est celle de l'Allemagne contre l'Union soviétique. C'était la seule qui était inévitable, parce que c'était deux systèmes concurrents. Mais le national-socialisme, c'est un fascisme racial. Le communisme, c'est un socialisme... le national-socialisme, c'est un socialisme racial. Tandis que le communisme, le bolchevisme, c'est un socialisme... universaliste. Égalitaire, globalisé, cosmopolite aussi. Et donc forcément, ils étaient en concurrence. Mais en fait, ce sont les deux versants. C'est pas les mêmes genres, mais c'est les deux versants d'une même idéologie en réalité. Tout comme le socialisme de marché que l'on a aujourd'hui, c'est aussi un autre versant d'une manière de... C'est une forme de totalitarisme aussi. Ouais. Et ça ne m'étonne pas qu'ils veulent éliminer les libertés et mettre tout le monde en esclavage. Et désarmer les populations. Bien entendu. D'ailleurs... À mon avis, c'est trop tard. Ils sont en train de se planter. Ça va trop vite. L'effondrement est trop avancé. Système en panique, des fois, peut agir assez vite. Hein. Ça peut agir assez vite, un système en panique. Là, tu vois, alors il peut aller en guerre, il peut aller dans des... Ouais. Mais je pense que là, on est quand même nombreux à se préparer. Hein. Tu sais, à travers le monde, il commence à y avoir beaucoup, beaucoup de gens qui ne sont pas prêts à se laisser faire. Je l'espère, mais je ne le vois pas concrètement dans la population en général. Nous, on est biaisés en même temps. On est des sortes de pôles de communication. Les gens viennent à nous pour nous dire, voilà, je suis survivaliste, merci. C'est difficile d'évaluer quel pourcentage de population se prépare. Mais tu sais, ici en Europe, cette année, en 2016, entre les viols de masse, la criminalité de masse qui commence à augmenter alors qu'elle baissait jusqu'à présent, ouais. Les attentats terroristes qui étaient... certes, n'ont pas fait beaucoup, beaucoup de victimes en réalité, mais qui sont spectaculaires. Plus le fait que, et ça c'est quelque chose que même ma femme, qui est pourtant quelqu'un qui est à la base quelqu'un de gauche, elle me dit, il y a 2 ans, il y avait 10 dealers en bas de chez nous. L'année dernière, il y en avait 20. Maintenant, il y en a 50. Et ils ne sont pas en costard-cravate, blonds aux yeux bleus. Donc forcément, ils se voient. Enfin, on voit la différence. Donc on voit des gens bizarres qui rôdent. Qui sont c'est des gens tout en bas de l'échelle sociale, donc ils sont mal habillés, ils font pipi et caca dans la rue. C'est très bien hein, pour mes enfants, parce que ça me permet d'éviter de faire des voyages en Afrique pour montrer comment c'est la vie. Là, ils le voient directement dans les rues de la Suisse, les rues d'une ville suisse. Et donc, en fait, moi, je leur dis « qu'est-ce que t'en penses ?» Et donc, ils comprennent tout de suite. Hein, les enfants, ils ont vite compris, donc ils sont pires que moi. Et ils ont tout de suite compris comment ça fonctionne. Et c'est génial. Donc, il y a une prise de conscience qui se fait. Vous, peut-être, vous n'avez pas autant encore de ces gens dans la rue, parce que tout le monde le voit. Moi, je connais des gens qui étaient de ultra-gauche, qui étaient des gens intéressants. Vous pouvez discuter avec eux. Ce n'était pas des socialistes, quoi. C'était des gens vraiment communistes, révolutionnaires, etc. Ils sont en train de tourner hyper racistes et hyper... Alors, je les calme maintenant. Je leur dis, non, mais attends. OK. On est d'accord, on veut éviter l'immigration de masse, on veut éviter l'effondrement, on veut éviter tout ce qu'on veut. Mais respire un coup, tu n'es pas obligé de faire le saut d'un extrême à l'autre. Donc c'est intéressant aussi de voir que... Mais je vois que tout le monde s'en rend compte. Et les prochaines phases d'élections en Europe, elles vont être radicales, à mon avis. Nous, en Amérique du Nord, en tout cas, au moins au Québec, au Canada, on le voit moins. Parce qu'il y a quand même 6 mois où on ne peut pas vivre dans les rues. C'est pratiquement impossible. Il n'y a que les SDF et puis ils ont des refuges pour la nuit parce que quand il fait moins 25, je te jure, ces gens-là, ils rentrent à l'intérieur. Hein. Mais on va finir. Vous mettez votre climat pendant 2-3 semaines, ça ferait de la place. Ben, c'est quand même pas mal pour la Suisse. Là. Vous avez quand même assez de froid, de la neige, non? Moins qu'avant. Il fait moins froid maintenant. Moins froid l'hiver. C'est rare qu'il fasse moins 5. Ah! Nous, c'est... Non, mais c'est vrai. Même à la montagne, la dernière fois où j'ai eu moins 20, c'était il y a 4 ans. Donc, c'est alors que ça devrait être tous les ans, moins 20. Enfin, c'est normal d'avoir moins 20 à la montagne. Ouais, nous, c'est régulièrement moins 20. Pas tous les jours. Des fois, c'est moins 5. Ouais. Des fois, c'est moins 30. Mais bon, ça sert à épurer. Mais, ça nettoie les rues. Ce qui a fait que notre civilisation, depuis... 20 000 ans ou plus, les populations de cette partie du monde, elles ont été triées sur le fait d'être capables de réfléchir, de travailler dur et de prévoir l'hiver. Ouais. Donc, ce qui fait que les gens qui étaient indolents et paresseux ont été éliminés très vite des gènes et que donc on n'a que des gens qui sont prévoyants, angoissés, donc avec des niveaux de stress et des maladies liées au stress, chose que tu ne vois pas dans Afrique ou au tropique, ça n'existe pas. Mais t'as des ulcères, des choses comme ça n'existe pas là où on en a. Mais en revanche, on développe cette capacité de nous projeter dans l'avenir et donc de prévoir. Et donc ce qui fait qu'au bout d'un moment, on construit des cathédrales, on développe la médecine et on envoie des hommes sur la Lune. Et on a la capacité de retarder la gratification et même longtemps parce qu'on est capable, justement, en vertu de cette projection dans l'avenir dont tu parles, de savoir qu'on va être récompensé 10 fois. Ouais. C'est pas une question de supériorité ou d'infériorité, c'est juste une adaptation à l'environnement. Mais c'est vrai qu'ensuite, quand on mélange les gens, des gens qui sont plus dans l'optique de l'immédiat, et parce qu'ils viennent d'endroits où le climat t'oblige à réfléchir à tout de suite, par rapport à des civilisations qui sont beaucoup plus angoissées, bon, ben c'est sûr qu'au bout d'un moment, il y a une incompatibilité profonde. Ouais. Surtout quand ça se fait aussi vite. Si on faisait sur 1000 ans, 2000 ans, bon, petit à petit, on échange des trucs. Mais là, on a été séparés depuis 60 000 ans avec les Africains. Ouais. Et là, tout d'un coup, on essaie de nous mettre ensemble. Et ça va finir par du génocide. Hein. La seule raison pourquoi c'est possible, c'est la technologie. Un Africain qui revive dans un pays scandinave ou au Québec, il mourrait en temps normal. Sans la technologie, là, il mourrait. C'est pas une question d'être incapable de chauffer ou de couper du bois. C'est, par exemple, la production de vitamine D. Sa peau a besoin de beaucoup plus d'ensoleillement que nous, les Blancs. Et à l'inverse, ce n'est pas avant la deuxième moitié du 19e siècle que des Blancs pouvaient vivre durablement en Afrique. La durée de vie normale, c'était 2 mois. Après 2 mois, on mourait parce qu'on n'avait pas la technologie. Et surtout, on n'était pas adapté à ce milieu-là. C'est pas de la supériorité raciale. Ce sont des traits raciaux, des traits génétiques. Non, ça, c'est juste ce que tu dis. Les Européens en Afrique, avant l'invention de la médecine, enfin de la médecine moderne, avaient une espérance de vie de 2 mois. Ouais. C'est vrai, 2 mois, c'est pas long. Hein. Donc c'est pour ça qu'ils faisaient des comptoirs sur les côtes, ou avec l'air marin, bon, ça va. Mais dès qu'ils rentraient à l'intérieur des terres, c'est pour ça qu'en fait, là aussi, ce ne sont pas les... En fait, ce sont des tribus africaines côtières qui allaient chercher les esclaves à l'intérieur des terres. Et ils les vendaient surtout aux Arabes et un petit peu aussi aux marchands, techniquement blancs. Ouais, techniquement. qui faisaient le commerce. Bon, après, il y a des acheteurs blancs, donc il y a... De toute façon, ça ne concerne pas, c'est une histoire ancienne. Mais enfin, c'est intéressant qu'on essaye de culpabiliser le client final, alors qu'on ne culpabilise pas le marchand. Et surtout, la situation existait depuis extrêmement longtemps. Ce qui fait que les Blancs sont entrés dans le circuit, c'est simplement la mondialisation et la découverte d'un nouveau continent. Les moyens de le rejoindre. Le fameux commerce triangulaire n'aurait jamais existé s'il n'y avait pas eu l'Amérique. Et en Europe, on n'avait pas besoin d'esclaves, on avait les serfs. Exactement, il n'y a pas d'esclaves en Europe. D'ailleurs, il faut dire que ce sont les Européens qui ont aboli l'esclavage, donc pas les Arabes, pas les Aborigènes, c'est nous. Et c'est nos ancêtres, et c'est très bien, et il faut espérer que ça ne revienne jamais. Donc c'est quelque chose qu'on a tous, nos amis qui nous écoutent en Afrique, on salue Camille Sébastien, on regarde, les Européens, les gens d'autres endroits qui sont de bonne volonté, d'essayer d'éviter que ça revienne, parce que si ça revient, on sera tous à la fin dominés par les Chinois. Donc, vous évitez que cette chose disparaisse pour toujours. Ça nous arrangerait à long terme. Je vais te faire une confidence entre toi et moi seulement. Il n'y a personne d'autre qui va le savoir. Quand j'étais dans l'armée, le premier cours de formation que j'ai reçu, j'avais un instructeur, et lui, il disait, en parlant des ennemis potentiels, ça se peut qu'on fasse la guerre contre les Russes, mais dans tous les cas, si c'est jaune, vous tirez. Et puis, en parlant des Chinois, dans ce temps-là, on pouvait faire ce genre de blague-là parce que on était homogène. Comme ça, c'est 5 ans de prison. Ah, minimum. Il aurait été dégradé, il aurait été au 14 Soleil à Edmonton. La prison des 14 Soleils, là, même Amnesty International n'a pas le droit de mettre les pieds là. Et non plus la Croix-Rouge. Non, mais voilà, on doit, mais en réalité, on doit rire, parce que c'est quelque chose qui est... On ne peut plus rire aujourd'hui comme on riait dans les années 70 ou au début des années 80, à cette époque où il n'y avait plus ce carcan de l'aspect traditionnel coincé de l'Occident, mais il n'y avait pas encore le totalitarisme de la bien-pensance et de la gauche. Donc il y a eu une période où il y a eu des humoristes, comme en France, comment il s'appelle ce génie, aujourd'hui il est en prison pour tous ses sketchs, celui qui est mort du cancer, là, Desproges, Pierre Desproges, okay. il y avait des génies comme lui, comme même Coluche. Aujourd'hui, on voit que lorsqu'il y a un humoriste qui fait de l'humour, on l'a vu avec ses déboires en France, puis aussi au Québec, lorsqu'il y a un Dieudonné, c'est la prison quasiment. Et c'est l'opprobre, alors qu'en réalité, ces sketchs sont drôles. Ensuite, on peut apprécier ou pas, mais en général, ils sont assez drôles, ils sont bien sentis, ils sont subtils, c'est un très bon acteur. Et surtout, ils sont pas pires que ce que faisait un Desproges. Ben il faut aller voir hein, sur Internet les sketchs de Desproges. C'est vraiment très, très, très, très bon. Et quand on tient des propos qui sont réfléchis, qui sont fondés sur des années de recherche, et qui se trouvent à être en contradiction avec l'idéologie des États, eh bien, on a des condamnations à 2 ans de prison ferme, comme pour Boris Lelay, comme pour Renoir, Vincent Renoir. Oui, c'est terrible. C'est terrible. La liberté d'expression n'existe plus. Alors, on vit dans des États totalitaires. Et c'est d'autant plus incroyable dans l'humour, parce qu'en réalité, quand on se moque de quelqu'un, en réalité, c'est qu'on l'aime bien. Parce qu'on peut pas, se moquer de gens qu'on déteste. Là, c'est pas l'humour qui entre en jeu. Donc, en général, quand on fait une blague sur les Africains, les handicapés, c'est quelque part qu'on a un peu d'affection. Alors, certes, peut-être que c'est pas apprécié du côté qui le reçoit. Peut-être que certains considèrent que c'est de la condescendance, que c'est du paternalisme, que c'est du. Mais peu importe, parce que les blagues vont dans le deux sens. Moi, je trouve rigolo. Aujourd'hui, il y a des humoristes noirs, africains, qui font des blagues sur les blancs. Et je les trouve très drôles, et je les trouve assez bien sentis et bien faits, mais eux ont le droit. Et aujourd'hui, Michel Leb, pas le droit. Non, avec un humour pas très drôle, il irait en prison. Oui. Mais il devrait avoir le droit. Absolument. Ben écoute, c'est un signe des temps. Ben, c'est pas compliqué, quand on a un système qui s'en va vers un entonnoir, qui écrase tout le monde, c'est un mauvais système. Il faut en changer. Et malheureusement, le système qui nous a amené là, c'est la démocratie. C'est, en tout cas, ce qu'on a appelé la démocratie, c'est la prétention qu'ont les individus de pouvoir diriger les destinées d'une société. Je m'excuse, j'en suis désolé, mais il y a à peu près 95% de la population qui n'est pas apte à pouvoir déterminer les destinées de sa société. C'est de l'élitisme, peut-être, mais je me dis, si je regarde l'absence de liberté qu'on retrouve en France, et que je compare ça au temps de Louis XVI, Louis XV, Louis XIV, ma foi, les Français de 2016 ont beaucoup moins de liberté qu'en sous Louis XIV. Et beaucoup plus d'impôts aussi. À l'époque, oui, les gens n'avaient pas le droit d'aller chasser dans les terres des nobles, mais ils avaient le droit d'aller grappiller, ils avaient le droit d'aller chercher des baies, ils avaient le droit d'aller chercher du bois qui était tombé par terre. Et il n'y a pas un noble qui pouvait empêcher l'accès à ces terres aux paysans. C'était un droit reconnu. Maintenant, la propriété est complètement privative. On le voit aux États-Unis avec la loi du château. Tu mets le pied sur le terrain de quelqu'un, tu peux te faire tirer et la personne qui tire n'aura aucune conséquence. Est-ce que c'est mieux? Non, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai des problèmes chez moi, des fois, oui, il y a des gens. J'aimerais avoir la loi du château. C'est vrai que on parle au niveau des libertés. Il s'est développé, il est très ancien, comme tu le sais très très bien. Je t'avais fait remarquer très justement sur l'histoire du Brexit, dans une de tes excellentes vidéos, que effectivement le Parlement britannique est souverain, et le peuple ne l'est pas. Et que en fait, c'est le roi, c'est la reine, enfin c'est le roi qui est souverain. Ouais, ouais. Et que le Parlement ne saurait prendre l'opinion du peuple que comme étant une opinion. Exactement. En droit britannique, le Parlement ne peut pas déléguer ses pouvoirs. Oui. D'ailleurs, il y a des choses rigolotes parce que ça date de la Magna Carta et tu vois, enfin 1215. C'est très ancien. Et d'ailleurs, rigolo, je découvrais l'autre jour, parce que avec quelqu'un essayait de m'expliquer que le prophète de l'islam avait épousé une jeune fille de 9 ans, et je faisais remarquer que dans le common law britannique, l'âge légal de mariage est de 12 ans pour les filles et de 14 ans pour les garçons. Parce que ça vient de cette époque. Et je lui disais, tu sais, à l'époque, Et même encore aujourd'hui, dans certaines régions du monde, c'est pas, c'est assez normal qu'une fille, même de 9 ans ou 10 ans, soit mariée avec un autre garçon, parfois du même âge. Et évidemment, il ne le consomme pas. Évidemment, le mariage, elle est promise, et le mariage, il se fait pas avant qu'il soit un peu plus âgé. Mais à cette époque, qui est une époque moyenâgeuse, évidemment, c'était normal parce qu'en fait, ça permettait de lier des liens entre familles. Mais donc, c'est complètement un faux débat de prendre cet exemple-là pour dire du bien ou du mal, surtout du mal en l'occurrence, de l'islam, parce que ça n'a rien à voir avec... Dans les faits, la pratique... De logique. Oui, ben, dans les faits, à l'époque, la pratique, c'était que la fille se mariait à 13, 14, peut-être 15 ans, à un homme de 24, 25, 26 ans, et non pas 14 ans, qui est la limite de l'âge légal pour le garçon. Parce qu'à l'époque, les hommes devaient se constituer un bien et un patrimoine et faire la preuve aux parents de sa promise qu'il était capable de la faire vivre ainsi que des enfants. Il y avait une certaine sagesse dans tout ça. Et oui, il y avait, bon, on peut dire, oui, c'était des pédophiles. Ça, c'est jugé avec des critères du 21e siècle. À l'époque, la survie était plus difficile, hein? Et puis, non, mais ça fonctionnait. Ou comme il s'appelle Woody Allen. Ouais, bon, lui, il n'y a aucune justification là, de nos jours. Mais il reste quand même qu'à l'époque, ça répondait à un certain bon sens. Puis à une réalité économique. Dans un certain cadre, etc. Mais, enfin, tout ça pour dire qu'effectivement, on est avec du droit et des lois qui, lorsqu'on regarde les sources, viennent effectivement d'une grande sagesse et de grandes traditions. Ensuite, bien sûr, elles évoluent, elles devraient évoluer avec les mœurs et le temps. Mais aujourd'hui, on va dans l'excès inverse, c'est qu'on nous impose de plus en plus de lois qui nous imposent des choses que les gens ne veulent pas, qui sont même humiliantes pour la population, comme tout ce ramdam autour du mariage homosexuel, de comment on appelle ça, l'insémination programmée, la PGA, ça s'appelle. Attends, je me rappelle plus du terme. Ça m'intéresse tellement peu que je trouve ça tellement absurde. Et toutes ces histoires bien sûr, d'adoption, mais des trans, on a vu aux États-Unis. Maintenant, tu peux aller dans les toilettes des filles, puis c'est absurde ce qu'ils ont réussi à faire. Et je disais aujourd'hui, tu vas rire, il y a une chroniqueuse montréalaise qui a sorti un fait. Aux États-Unis, les dialogues du vagin, la pièce de théâtre, a été annulée dans une école de filles parce que c'était discriminatoire contre les femmes qui n'avaient pas de vagin. C'est fort, là! Et la dérive en arrive même aux Jeux Olympiques, où de plus en plus, ils sont obligés de prendre des hommes qui se considèrent des femmes dans les compétitions féminines. Alors, ils ont mis la seule règle, c'est qu'il faut qu'ils prennent des hormones depuis une année. Mais bon, moi, en boxe, tu me donnes des hormones femelles pendant une année, je te massacre n'importe quelle gonzesse. Hein. Il ne reste plus rien. Encore que je ne suis pas un boxeur, donc, mais en catch, elle n'a aucune chance. Quoi. Donc, on est en train de voir de plus en plus de sportifs qui, pour avoir la victoire, pour avoir leur médaille, sont prêts à faire un changement de sexe, à prendre des hormones. Et je pense que dans 4 ans, il n'y aura plus que des hommes dans la compétition féminine. Écoute, je connais même un survivaliste qui, pour faire le buzz, est une certaine viquette, on ne sait plus. On attend de la voir aux Jeux Olympiques, d'ailleurs. Oui, oui, j'ai entendu dire qu'elle s'entraînait, là. Elle est devenue très mince, paraît-il. C'est comme, par exemple, le mariage homosexuel. C'est pas très compliqué. Si un homosexuel a envie de vivre une histoire de plus ou moins longue avec une personne du même sexe, il y a des dispositions légales pour pouvoir organiser. On parle même l'adoption, puisque la réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'homosexuels qui se découvrent homosexuels dans une deuxième phase de leur vie et qui, dans une première phase, avaient eu des enfants, ouais. Et qui donc restent techniquement les parents, en tout cas un des parents de ces enfants. Et donc, il n'y a pas besoin de faire des lois qui énerve la population, alors qu'on peut très très bien aménager tout cela. Mais encore une fois, comme pour les Noirs aux États-Unis, comme pour l'immigration de masse, tout ceci est manipulé pour nous énerver, pour nous mettre les uns contre les autres, et encore une fois, oublier de regarder en haut qui est en train de détruire le monde et détruire tout. parlant de détruire le monde, qu'est-ce que tu penses de l'état de santé de Hillary Clinton? Mais est-ce qu'elle est ressortie après son truc? Est-ce qu'elle est encore vivante? Moi, je ne l'ai pas vue depuis. Donc écoute, certains conspirationnistes parlent de 3 ou 4 doubles qui feraient des présences publiques. Voilà, avec des comparaisons photos à l'appui. Ma foi, il y a matière à se questionner. Et tu te souviens des doubles de Saddam Hussein? Oui. Bon, ils sont où maintenant? Peut-être aucune qu'ils idée. Ont changé de sexe. Et ce sont les doubles de Hillary Clinton. Et ils sont aux Olympiques. Oui, là, c'est du poids. Non, je pense qu'elle a perdu. Je pense que c'est évident qu'entre déjà une élection très difficile, pour d'un point de vue d'argument, etc., le fait d'être aussi malade et que ça se voit, et que plus personne en plus ne croit aux médias officiels, je disais une statistique, c'était 94% des Américains ne croient plus aux informations des médias. Oui, c'est quand même énorme. Fort. Ouais. Énorme. Donc, à mon avis, elle s'est pliée. Et elle pourrait même mourir d'ici les élections, ce qui serait un scénario assez hallucinant, surtout si on imagine que quelqu'un assassine Trump. Donc, il n'y aurait plus aucun candidat. Bon, ça, c'est le scénario un peu parano, mais je pense que Trump a gagné. S'il survit jusque-là, s'il survit jusqu'en février... Mais peut-être que sa vie n'est pas si menacée que ça, parce que, Trump a l'air d'être autonome, indépendant, mais est-ce qu'il est vraiment indépendant? Est-ce qu'il n'est pas contrôlé par quelqu'un? Moi, c'est la question que j'ai. Oui, c'est une question légitime, de toute façon, pour chaque politique, homme politique. Maintenant, justement, ce n'est pas un homme politique. Alors, je ne sais pas ce qu'il fera, mais de fait, il a payé sa campagne lui-même. De fait... Il n'en a rien à faire du politiquement correct. Il a dit des choses énormes. Oui. Et ça marche. Ah oui. Il est même en train de percer chez les Latinos et chez les Noirs. Oui. C'est de là que vient son avance. Il y a une partie des Latinos et des Noirs, tout d'abord qui sont très intelligents, tout d'abord qui réfléchissent, et qui voient bien que les politiques actuelles les appauvrissent et les ravagent. Donc ils se rendent bien compte qu'il faut essayer de changer. Dans le discours de Trump, il n'y a pas de racisme, il y a du protectionnisme, il n'y a pas de sexisme ou d'attaque contre des minorités, il y a au contraire des volontés de liberté, des volontés d'entrepreneuriat, oui. Et bien sûr protéger de la concurrence des bas prix et des travailleurs illégaux. Donc, les gens qui sont le plus touchés par les travailleurs illégaux, ce sont les latinos légaux et les afro-américains. Et donc, c'est pas étonnant qu'à la fin, ils vont voter pour peut-être quelqu'un qui leur donne un peu d'espoir économique, parce qu'aujourd'hui, ça va très très mal. Mais d'ailleurs, je ne sais pas si tu avais regardé la vidéo que j'avais faite avec Julie Texan, qui avait été diffusée aussi sur AR. On va se... Mais justement, elle disait quelque chose de très intéressant. Les ghettos noirs, bon, ils vivent dans un monde vraiment à part, mais ceux qui veulent, les noirs américains qui veulent travailler, ils sortent des ghettos, ils vont vivre avec les blancs. Et ils ne sont pas mis à part, ils vivent dans les mêmes quartiers. La bourgeoisie noire, celle qui a pour vertu le travail, est absolument pas à distinguer des blancs. C'est la même chose, c'est le même travail, c'est les mêmes valeurs et c'est les mêmes lieux de fréquentation. Il n'y a pas de racisme là-dessus aux États-Unis. Un employeur aux États-Unis, comme ailleurs, ce qu'il veut, c'est un employé qui fait le travail qu'on lui demande de faire, qui arrive à l'heure, finit pas en prison à cause de ce qu'il a fait comme trafic de drogue ou consommation de drogue le week-end, qui n'est pas avec des problèmes familiaux et... des problèmes liés à l'alcool ou des femmes, du jeu, peu importe. Il veut quelqu'un qui fasse le boulot et qui respecte une certaine apparence physique raisonnable par rapport à éventuellement des clients ou des choses comme ça. S'il n'y a pas de raison que n'importe qui puisse... aux États-Unis, on n'est pas... Moi, je prétends que les États-Unis sont un pays qui est fondamentalement plus raciste. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de racisme. Il y en a encore un petit peu, mais on l'a vu dans le cas de tous ces soi-disant cas de policiers qui ont abattu des Noirs, dans tout le cas, peut-être avec 1 ou 2% des cas où c'est un peu limite, Mais dans tous les autres cas, 99% des cas, c'est effectivement, quand on regarde l'enquête, quand on regarde dans le détail, effectivement, que la personne qui s'est fait abattre a agressé le policier, n'a pas obtempéré. Et aux États-Unis, on ne prend pas de risque parce qu'il y a des policiers tués tous les jours. Donc, lorsque quelqu'un ne montre pas ses mains, n'obtempère pas vite, ou qu'il fait mine d'aller chercher un couteau ou une arme, ou qu'il attaque le policier, il est abattu tout de suite. Et c'est comme ça. Et d'ailleurs, c'est pas mal. Au contraire, c'est chez nous que ça devrait être comme ça aussi. Parce que la réalité, c'est que les criminels, ils ont un avantage. C'est qu'ils ont l'initiative, ils ont la violence. Exactement. Et eux, ils savent qu'ils sont criminels. Ouais. Donc, le policier ne sait pas qui l'arrête. Il ne peut pas le savoir. Bref. Moi, je pense que Trump va gagner. Je pense qu'il va gagner et que c'est plié et que tous les médias qui appartiennent au même groupe, etc., ils vont l'avoir bien profond parce que pour eux, c'est peut-être la fin des haricots. Ou en tout cas, ça a montré, cette campagne politique aux États-Unis a montré à quel point les médias américains sont corrompus et biaisés et ne font pas le travail de journalisme. Ça veut dire que Barbara Streisand va devenir canadienne. Yeah, tant mieux pour vous. Ben non, quand même. On a déjà Céline Dion, c'est assez, là. Ah, même, duo, ça peut être pas mal, hein. Ah, des chansons. Un bordel. Enfin, tu sais qu'elle a passé proche de devenir première dame du Canada, Barbara Streisand, parce qu'elle avait fréquenté Trudeau père à l'époque. Ah, oui, ben, ouais. On a fréquenté beaucoup en même temps. Ouais, potin de palais. Je crois que le fils aussi. Ah, écoute... Je veux pas parler d'eux parce que ma journée est belle jusqu'à présent et puis je veux que ça continue comme ça. Bon. Mais sinon... En tout cas, merci pour ta revue de mon dernier livre. Ça m'a fait très plaisir que tu l'aies apprécié. J'ai été emballé. J'espère que ça a paru. Je pense que ça a paru que j'étais emballé et ça traduisait vraiment l'impression, l'opinion que j'avais de ton livre. Toi, tu as eu une expérience de NRBC dans l'armée. Ouais, ben à l'époque, c'était NBC. C'est pour ça que je trébuchais toujours sur NRBC. Parce que j'étais habitué à penser NBC, NBC, NBC, NBC. Mais oui, et puis j'ai appris des choses. Je ne croyais pas que c'était possible. Je ne croyais pas que c'était possible d'en apprendre là-dessus. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que tu parles de nucléaire, radiologique, bactériologique, chimique. Et je pensais que, dans le côté du nucléaire et du radiologique, c'était très limité ce qu'on pouvait faire pour se protéger. J'étais avec l'idée de l'hiver nucléaire en cas de guerre nucléaire totale. J'avais dans la tête « the day after », « si cette planète vous tient à cœur ». Et il ne faut pas nier que s'il y a une guerre nucléaire totale, ça va être dramatique. Mais la vie va être possible après, alors que je croyais que ce ne serait pas vraiment le cas. J'ai appris des choses, j'ai lu ça dans ton livre, j'ai été vérifié, je vérifie toujours avant d'affirmer quelque chose, et puis j'ai commencé à creuser mon bunker. Non, pas à ce point-là, mais... T'as une cave? Oui, j'ai une cave, oui. En fait, comme tu as vu, en fait, dans une maison, il faut aménager le grenier et la cave, parce que la cave, si c'est nucléaire, et le grenier, si c'est chimique. Oui. Il ne faut pas se tromper. Ben, tu as vu chez nous, de toute façon, la maison est assez haute. Déjà... Non, là où tu habites, ton risque n'est pas tellement le nucléaire parce qu'il n'y a pas de cible à tout près. Ce n'est pas industriel non plus. Les rayons radioactifs, ils ont une très courte portée. Après, c'est les poussières. Mais les poussières, ce n'est pas une question d'être enterré dans un bunker. Non. C'est une question de ne pas les respirer, de ne pas les avaler. Et ensuite, de décontaminer la région. Ensuite, en revanche, le chimique, est-ce qu'au côté de chez toi, il y a une route avec des gros camions Oui, mais c'est pas la... C'est quand même limité le danger auquel on s'expose. Et puis le chemin, ou alors un chemin de fer qui transporte des produits chimiques la nuit. Ça est très fréquent en Europe, par exemple. Mais voilà, et donc moi, tu sais, en écrivant ce livre, je suis parti aussi avec des conceptions. C'était que le nucléaire, c'est super grave. Le biologique, bon, ça oui, on sait ce que les pandémies peuvent donner, etc. Ouais. Et je me disais, le chimique n'est absolument pas un problème parce que, bon, ça, il ne peut rien arriver. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est l'inverse. Ouais. L'accident nucléaire est rare. La guerre nucléaire demande une petite préparation, mais finalement pas énorme parce qu'on n'a pas. personne ne va aller dans une zone radioactive pour aller chercher des trucs. C'est pas notre boulot, enfin, c'est pas à nous de le faire. Non, c'est donc ça. On va pas, on va jamais avoir besoin d'avoir des tenues extrêmement lourdes avec des masques très compliqués, etc. À l'inverse, le chimique, ça peut arriver de manière extrêmement locale si on habite près d'une usine et en fait on se rend compte qu'il y a des usines chimiques, il y a des transports de produits chimiques pratiquement partout. Oui, oui. Alors c'est peu fréquent, mais s'il y a un accident sur 3-4 km, et si tu es dans ces 3-4 km, là tu es très très mal, à moins d'avoir les bons réflexes, de savoir colmater les fenêtres, savoir mettre de quoi filtrer l'air, et si tu t'es préparé, pourquoi pas un petit masque ou un truc comme ça, et de monter le plus haut possible. Voilà, alors que je pensais que les chimiques, ça n'allait jamais arriver. J'avais les mêmes préjugés. Voilà, ouais. Et donc c'était intéressant. Et puis, ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas moi qui fait... Moi, j'ai beaucoup travaillé, évidemment, sur ce livre. C'est une année et demie de travail. Mais c'est surtout le travail de mon coéquipier, Chris Millennium, qui, lui, a une immense expérience dans ces domaines, puisque il était responsable de l'unité... Donc c'est une unité antiterroriste, et lui était celui qui était le responsable du groupe spécialisé NRBC. Ouais. Donc c'est quelqu'un qui est allé, je ne peux pas dire où, mais il a été dans des zones de guerre, même très récemment, où il y a eu des utilisations d'armes chimiques, des utilisations d'armes radiologiques, parce que tu sais, l'uranium appauvri a été utilisé en Irak, en Syrie, en Libye, ex-Yougoslavie, au Kosovo. Et donc, il a pu voir et étudier sur le terrain certains éléments, plus le fait qu'il soit chimiste de formation. Vraiment, il y avait à la fois de la donnée, mais aussi une expérience opérationnelle dans les unités antiterroristes. Et ça paraissait à l'intérieur du contenu du livre. Là. Je reconnais ta plume, mais en même temps, je voyais il y a des choses que tu n'avais pas expérimentées toi-même, je le sais. Alors, fatalement, ça venait de lui. Et la combinaison des deux, c'est juste wow. Et j'ai spécialement adoré, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, mais j'ai adoré. C'est quoi, c'est 10 pages avec le professeur Walter? Ah ouais. Ah wow, des gens qui ont une vision comme cet homme-là, on devrait en avoir beaucoup plus dans les postes de commande. Et malheureusement, il explique pourquoi il n'y en a pas plus. Ça vaut le prix du livre. Pardon? Rien que cette interview vaut le prix du livre. Ah oui, ah oui. Parce que, en fait, c'est un professeur, bon, évidemment, c'est quelqu'un qui a des doctorats en chimie et qui est vraiment au niveau et qui enseigne dans plusieurs universités françaises. Donc c'est vraiment quelqu'un de très très haut niveau. C'est un des experts en chimie, en armes chimiques. Et c'est quelqu'un qui on devait interviewer pour avoir une approche par rapport au comment la population aujourd'hui peut se préparer aux problèmes chimiques et d'avoir l'avis d'un expert très pointu. Et finalement, il nous a écrit une longue réponse et il s'est permis, il a raison, de répondre à la question, mais ensuite de monter d'un niveau pour arriver à un aspect philosophique de la préparation. Deux ou trois niveaux, je dirais. et quand on a lu ça, enfin moi, je sais, quand j'ai lu ça, je me suis dit, waouh, c'est génial, parce que ce livre, tu en conviendras, il est beaucoup plus technique que les autres. Oui, oui. Et il n'y a pas du tout de critique du monde, à part la préface de Dimitri Orlov, on n'est pas en train de dire, ah, méchant, les gens vont tous me tuer, ils sont des méchants. On est très neutre. Il n'y a pas de méchant dans le livre. Il n'y a que des dangers et des risques. Là, lui s'est permis d'aller dans une philosophie qui revient en fait à une vraie critique. C'est comme du René Guénon. C'est vraiment une critique du monde moderne extrêmement bien sentie. Et j'ai trouvé que c'était un moment de... Voilà, il nous transporte sur un autre niveau pendant une dizaine de pages. Et ça, j'ai trouvé fort. Alors, je peux le dire parce que c'est pas mon écriture, c'est la sienne. Et donc, c'est vraiment intéressant. Écoute, je l'ai relu au moins 5 ou 6 fois. Oui, moi aussi. Parce que c'est dense, parce que c'est sublime, parce que c'est extraordinaire, parce que c'est une qualité exceptionnelle qu'on ne rencontre pas souvent comme manière de penser, comme manière de poser des problèmes. Comme tu dis, juste pour le prix du livre, ce petit passage-là le vaut amplement. Il imagine ses tout élèves le reste. sont entre de bonnes mains. Ah oui. Alors, maintenant, il faut savoir ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont se prostituer, ces élèves, ou s'ils vont rester intègres? Ça, c'est une autre question. Mais sinon, écoute, les gens qui s'inquiètent ou qui ne s'inquiètent pas assez de ces risques-là, dans ton livre, ils vont trouver la cause de leurs inquiétudes, les vraies raisons de s'inquiéter, là où il faut mettre les efforts et ce qu'il faut se procurer pour se protéger. À somme, malgré tout, assez modique. C'est pas très coûteux, hein, c'est pour se protéger pour tout ça, là. On avait un premier objectif en écrivant ce livre. Enfin, c'était pas un objectif a priori, mais c'est qu'en l'écrivant, on s'est dit, voilà, on aimerait bien être à la fois réaliste, mais démystifier beaucoup de ces choses que les gens se sont laissés mettre dans la tête, soit par le cinéma, soit par leur propre peur et leur propre fantasme, notamment par rapport, surtout au nucléaire, qui est peut-être moins violent que ce qu'on pense. Ensuite, il y a l'aspect radiologique que tout le monde ignore. Personne ne se rend compte des faibles dangers, mais qui existent. Parce que ce n'est pas tous les jours que quelqu'un va les ramasser comme une pastille qui est tombée d'une machine, la rayon X, etc. Évidemment. Mais enfin, c'est arrivé. Et il y a des cas où des gens ont eu des graves problèmes, voire qui sont morts, parce qu'ils ont manipulé ce qu'ils ne devaient pas manipuler au mauvais endroit. Et donc ça, c'était intéressant aussi. Ce qui permet aussi d'expliquer comment ça fonctionne, ça aussi. En fait, on ne sait pas vraiment comment fonctionnent les radiations, qu'est-ce que c'est, ça a quel impact, quelle influence, etc. Ça m'a permis de glisser, alors ça c'est quelque chose que j'ai voulu rajouter, un chapitre sur les EMP, puisque finalement c'est quelque chose qui est, je trouve, à la fois peut être naturel, mais aussi provoqué, et qui est quelque chose qui est à la fois dangereux, mais en fait en même temps on se rend compte que voilà, on peut faire des petites choses à l'échelle du prepper, à l'échelle du survivaliste. Et on peut aussi rendre attentif le gouvernement, les centrales nucléaires. Tu as vu les interviews des responsables de la sécurité des centrales nucléaires, c'est très intéressant. Il n'y a pas les mêmes systèmes de sécurité d'un pays à l'autre, pas du tout. Ça aussi, c'est à toi peut-être de faire le travail sur le Québec, d'aller rencontrer... Mais là, on n'en a plus, là. C'est fini, la gentille a été fermée, il n'y en a plus. Il n'y a plus de centrale nucléaire. Ils sont à côté. Oh, ouais, Pickering. À chaque fois que je vais à Toronto, je retiens mon souffle quand on passe vis-à-vis de Pickering, à cause des 4 ou 5 centrales qui sont là. Ouais. C'est long, mais... Donc s'il y a un événement de Carrington, c'est-à-dire des rayonnements solaires, des tempêtes électromagnétiques solaires très violentes, a priori, la centrale, elles sont construites de manière blindée. Ça, j'étais content de découvrir qu'ils sont au courant de ça. Ils ne sont pas ignorants, ils ne sont pas stupides, heureusement. Heureusement. Et que donc, tous les câblages internes sont tous câblés avec des protections en plomb. Et il y a des cages de Faraday, en réalité, dans toute la centrale est dans une immense cage de Faraday. Donc ça, c'est bien. Après, il y a des autres faiblesses qu'on explique dans le livre et qui seraient intéressantes à rechercher dans chaque pays du lecteur. Là, on a donné l'exemple de la Suisse, donc je suis allé interviewer les gens, et on a fait l'exemple de la France, où on est allé interviewer les gens. Alors en France, c'est de manière non officielle, puisque officiellement, on a refusé de nous répondre, ce qui est intéressant aussi. Et donc, voilà. Mais la partie biologique, comme tu as vu, c'est moi, ce qui m'intéressait, c'était de montrer aussi, là aussi, on a des interviews intéressantes, de montrer les... à la fois qu'à petit niveau, c'est très très bien géré par le monde moderne, on sait très très bien gérer, même une épidémie comme Ebola, où ils ont fait des conneries. Et là d'ailleurs, voilà, encore une fois, il faut saluer certains pays africains qui ont fait un travail parfait. Le Nigeria a très très bien travaillé, le ministère de la Santé du Nigeria a fait un travail excellent, le ministère de la Santé du Sénégal a fait un travail extrêmement professionnel, plus professionnel que les Européens qui ont envoyé des gens là-bas comme des cons. Et que les Américains et que les Canadiens qui ont accepté des cas. Non, et il y a aussi la question qui reste ouverte sur qu'est-ce que faisaient les laboratoires de recherche américains au Sierra Leone et pourquoi les États-Unis, au lieu d'envoyer des médecins, ont envoyé l'armée. Des troupes, oui. Ça aussi, c'est intéressant. On décrit un petit peu ça. Mais pas de conspirationnisme, je te prie. Ensuite, moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est de montrer l'impact civilisationnel des épidémies. Parce que parfois, on s'imagine que, bon, ben voilà, il y a eu y a des épidémies, mais parce que récemment, il n'y en a pas eu des très grandes en Europe ou dans le monde. C'est mais vrai. S'il doit y en avoir, avec les transports aériens aujourd'hui, tu sais, dans Survivre à l'effondrement économique, j'avais mentionné, parce que j'en avais entendu parler, l'exercice américain de 2001 qui s'appelait Dark Winter, l'hiver sombre, où les États-Unis avaient simulé une attaque terroriste à base de variole. Et là, j'ai repris évidemment les documents, donc j'ai fait un peu d'enquête. Bon, Internet te donne beaucoup de choses. Et j'ai développé, j'ai expliqué comment avait fonctionné cet exercice. Et ce qui est effrayant, c'est qu'effectivement, une épidémie qui partirait en pandémie aujourd'hui, on ne sait pas la gérer. Et les médecins nous disent, oui, on sait très bien gérer jusqu'à 100 cas ou 150 cas, mais au-delà, c'est pas géré. Ben, de toute façon, avant que les autorités puissent réagir, parce qu'il ne faut pas interrompre le commerce hein, du tout, c'est sacré. Ben, avant que les autorités réagissent et ferment les aéroports, les stations de métro, de train, d'autobus, avant que les autorités réagissent, toute la planète peut être contaminée. Et même, c'est non seulement le commerce, mais c'est aussi la morale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi j'ai demandé la question, je me dis, est-ce que vous avez des plans pour mettre des quarantaines? Et la réponse était, dans le monde aujourd'hui, ce serait très mal vu. Et donc, il n'y a pas de plan de quarantaine. Oui. Alors que les Africains, justement, le Sénégal, le Nigeria, ont fermé les frontières, interdit tout transport, toute traversée des frontières, et lorsqu'il y avait des cas suspicieux, quarantaine immédiate. Résultat, il n'y a pas eu d'épidémie qui s'est propagée au Nigeria et en quarantaine. Parce que, évidemment, ils savent très bien qu'une fois que ça part, c'est difficile à retenir. C'est pas mal pour des singes, quand même. Pardon? C'est pas mal pour des singes. Référence à la blague de tout à l'heure. C'est pas ce que je pense de ces gens-là, je fais une référence à la blague. Pas sûr, mais voilà. Et donc, au contraire, c'était très intéressant, je trouve, de faire l'éloge de systèmes sanitaires qui sont sérieux. Et ce qui montre aussi que l'Afrique, elle est capable, si elle veut, de gérer très très bien. Et ouais. Encore une fois, si on les laisse tranquilles, ils s'en sortent mieux que si on continue à les aider comme... On n'a pas à mettre nos sales pattes dans leurs affaires. Si on a besoin de leurs ressources, ben on est capable de les acheter. Bien sûr, et au prix du marché, il faut que ce prix soit juste. Et que... Mais ça s'améliore de ce côté-là dans certains pays africains, donc c'est bien. Après, la partie chimique, eh bien, moi, je connaissais plutôt l'aspect très gros accident industriel, comme Bhopal, ou qui était évidemment quelque chose auquel, évidemment, on y pense quand on se prépare. Et puis, la partie guerre chimique, je l'avais évidemment, là j'étais un peu dans l'optique, le jour où une armée décide de te bombarder avec du gaz, tu peux rien faire. Et ça, je persiste à croire que si un jour tu es la cible d'une attaque chimique par une armée, il n'y a pas grand-chose à faire. On a décrit dans une histoire comment ça fonctionnerait, ouais. Pas aucune chance. Quoi. Et encore, on a été sympa, parce que dans le scénario qu'on a mis en place, c'était localisé. Une attaque chimique. Parce que normalement, tu sais, à l'époque soviétique, quand tu dois t'en souvenir, ils apprenaient que la doctrine soviétique, c'est de tirer deux obus à fragmentation et un obus chimique. Un sur trois était chimique, ce qui fait que tout est fracassé, toutes tes tenues sont percées, et après, t'as le chimique qui arrive et qui te tue. D'ailleurs, c'est comme ça que les Irakiens, que Saddam Hussein a utilisé les armes chimiques sur les Kurdes. C'est d'ailleurs comme ça que Churchill voulait utiliser les armes chimiques sur les Irakiens, et que les armes chimiques ont été utilisées... au Maroc, contre les Marocains par les Espagnols, contre les Éthiopiens par les Italiens, et dans plein d'autres, évidemment pendant la Première Guerre mondiale, et dans plein d'autres conflits qu'on oublie. Et récemment, des armes chimiques données gracieusement par l'OTAN et les États-Unis, par les rebelles syriens, pour essayer de donner la faute au gouvernement syrien, etc. Ouais. Et maintenant, on sait que c'était ça. C'est assez marrant. Mais l'accident chimique, il peut arriver... parce que, voilà, on habite près d'un chemin de fer, hein, une cuve qui transporte du chlore, un transport déraille, la cuve s'éventre, et tu as tout d'un coup un nuage de chlore. Et c'est arrivé à Mississauga en 79. Je pense que tu en parles d'ailleurs dans ton livre, il me semble, l'accident de Mississauga en 79, un train qui transportait des wagons de pétrole et du chlore. Le pétrole a été déversé, il a pris feu, et le chlore aussi a été déversé. combien de centaines de milliers de personnes ont été évacuées, je ne me rappelle plus, là, mais... Ah oui, ouais, ça, c'est ça arrive. Moi, je m'en souviens, là, j'avais 14 ans. Ça arrive en Suisse. Je l'ai vu aux infos. C'est pas très loin de ma ferme, enfin, dans la vallée plus bas, mais c'est arrivé, des wagons de chlore qui se sont, ils ont dû évacuer 3-4 km carrés. C'est pas beaucoup de gens. Mais si ça arrive dans une ville... Mmh. Non, ben ça, il va y avoir des fatalités, c'est... On peut pas, ouais, on peut éviter, il y a trop de gens. On a quelques secondes pour réagir dans ces cas-là. Oui, oui. Il y a des limites à la capacité qu'on a de retenir notre souffle. Hein. Oui, puis c'est irritant aux yeux. Ça dépend du produit, mais voilà. Et puis, tu as vu, on a fait, à la fin du livre, on a fait un long chapitre sur les systèmes de protection. Oui. Et là aussi, justement, on voulait pas dire aux gens, si vous voulez survivre, il vous faut la panoplie militaire, machin, avec tout. Non, on a voulu faire, voilà, on voulait faire un truc de base très simple. C'est des masques anti-poussière, peut-être des lunettes, des gants. Oui, on a les mêmes choses qu'on fait déjà, un kit médical chez soi pour soigner des brûlures, des bobos, des bottes, des vêtements de rechange. Ensuite, on dit, voilà, si vous voulez décontaminer, bah, c'est pas très compliqué. Une éponge, de l'eau, du savon, c'est rien de cher et de fantastique. C'est quelque chose qu'on a normalement déjà chez soi. Ouais. Et puis, un kit plus complexe, et puis un kit très élevé. Et puis, pareil, pour la détection, ben voilà, un compteur Geiger, ça peut être 20 euros, 30 euros, 100 euros. Après, oui, si quelqu'un il veut, par exemple, des détecteurs chimiques, ça, c'est très, très cher. Et d'ailleurs, on explique qu'à moins d'être une commune ou une collectivité, c'est illusoire d'aller investir 10 000 euros dans un détecteur chimique. On le dit, voilà, c'est des trucs hyper professionnels. C'est pas... Et puis, on ne va pas installer un détecteur de chlore chez soi, plus un détecteur de gaz... au cyanure, enfin, c'est pas de sens. Mais je connais quelqu'un qui en a des détecteurs comme ça, et tu le connais aussi. Oui, dans l'armée, sur les véhicules blindés, il y a des systèmes, oui. mais c'est des budgets de l'armée, c'est pas des budgets d'un individu. C'est les impôts des individus. C'est ça. Non, sérieusement, j'ai été impressionné, et pas que je pensais pas que tu étais capable de faire un livre de cette qualité-là, là. Mais j'ai été impressionné par la profondeur de la recherche, la manière de rendre l'information, la collaboration avec Chris Millennium paraît aussi énormément. Comme tu viens de le mentionner, la partie équipement, j'ai été surpris aussi par la rusticité de certains équipements et je sais qu'ils vont être efficaces. Ce qui fait que ceux qui accusent les survivalistes de parler de solutions de millionnaires, il y a moyen de faire des choses à petit budget et tu l'as démontré. Des gants en latex, des chaussures, des bottes en caoutchouc, des masques de plongée s'il faut. On n'a pas besoin d'avoir des masques à gaz à 200 $. C'est bien d'en avoir. Moi j'en ai, mais ce n'est pas le obligatoire. Et puis, encore une fois, notre objectif, ce n'est pas aller sur ground zero d'une explosion nucléaire pour jouer. Pour aller déterrer des... Non, on espère déjà vivre loin d'un endroit où il peut y avoir un problème, quel qu'il soit. Et puis s'il y a un problème, on ne va pas aller dans la gueule du loup, on va rester planqué un certain temps. Dans certains cas, on attend les secours, parce que si c'est un truc ponctuel aujourd'hui, il n'y a pas forcément un effondrement. On attend, mais on attend en sécurité. On évacue si nécessaire, on évacue d'une certaine page vers le vent, on évacue perpendiculairement, etc. Et des petites choses comme ça. Alors, on dit, comment est-ce qu'on sait comment le vent? Ben, tu prends du sable, tu laisses tomber, tu vois où le vent va. Oui. Et tu regardes les nuages. Enfin, c'est des trucs très simples. C'est des attitudes. Au fond, j'imagine que pour l'instant, les revues du livre étaient excellentes sur Amazon, etc. D'ailleurs, il se vend très, très bien. Mais voilà, si les gens s'attendent à des solutions miracles, ben non, il n'y en aura pas. Et si les gens s'attendent à des solutions extrêmement complexes, non, c'est aussi simple. Oui. Et on est aussi honnête en disant, ben voilà, si la bombe nucléaire elle tombe juste à côté d'où vous êtes, ben vous allez mourir. Et voilà. Il n'y a rien qu'on peut y faire. Et ça va très vite, donc c'est pas grave. À moins d'aller à Colorado Springs, dans la montagne, Cheyenne Mountain, de prendre le Stargate pour aller sur une autre planète. Mais tu vois, on a aussi expliqué. Tu as vu, je me suis amusé à faire un chapitre. Ça, j'ai vraiment travaillé dessus. Je fais pas mal de recherches historiques. sur les doctrines d'utilisation des armes nucléaires. Parce que là aussi, les gens disent, oh là là, souvent encore je dis, oui, mais s'ils envoient des bombes sur Paris, qu'est-ce que je fais? Et moi je dis, mais ils n'enverront pas de bombes sur Paris. Parce que pourquoi envoyer une bombe sur une grande ville? Ce qui compte aujourd'hui, ce sont les nœuds, ce sont les nœuds de commerce, ce sont la neutralisation des systèmes électroniques, donc là il y a des EMP, éventuellement en cas de guerre, et puis ce sont les centres dépôts de pétrole, névralgiques de l'armée, de communication, donc le bunker de communication de l'armée, il ne faut pas habiter à côté. La grande base aérienne où il y a des bombardiers nucléaires, oui, il ne faut pas habiter à côté. L'endroit où il y a des silos, où la base de sous-marins de Brest, oui, Brest, pas bon. Toulon, pas bon. Mais le reste, ce n'est pas des cibles. Parce que pourquoi est-ce qu'on irait utiliser des bombes qui coûtent cher pour tuer des gens qui vont mourir de toute façon dans le chaos qui suit? Donc il n'y a pas besoin. Donc il ne faut pas stresser de la bombe qui arrive sur Paris. Alors que les Américains, dans le passé, avaient tu as vu ce document qui est hallucinant, avaient des scénarios, mais pas seulement maintenant, depuis les années 60. Oh oui. Ils avaient des scénarios de guerre d'attaque, alors qu'ils nous ont toujours dit, nous on se défend contre les Russes, on se défend contre les Soviétiques, on a toujours des scénarios où c'est les Soviétiques qui attaquent en premier, le cinéma nous montrait toujours les Soviétiques qui attaquent en premier. En fait, les États-Unis, tout leur plan, c'était une attaque préventive, surprise contre l'Union soviétique. Mais c'est en cohérence avec toute leur histoire militaire. Leurs actions depuis la fin de la guerre froide. Ouais. Et ces attaques, elles étaient monstrueuses. Par exemple, l'attaque sur Moscou, 120 bombes nucléaires, rien que sur Moscou. Donc c'était non seulement une attaque préventive, mais c'était un pur et simple génocide. Un rasage de la population, oui. Destruction totale, un peu biblique, ça ne m'étonne pas d'ailleurs. Parce que je pense que les sources de leur idéologie, elles sont dans le côté protestant, judéo-protestant de la chose. C'est le génocide pur et simple de l'ennemi. Alors qu'il n'a encore rien fait, l'ennemi. C'est vachement intéressant. Juste parce qu'il est ce qu'il est. C'est très intéressant. Là, la question qui va se poser, c'est dans un contexte d'effondrement et surtout de dislocation des États, où vont aller ces armes-là? On ne peut pas prendre l'exemple sur l'ancienne Union soviétique. Je pense que ce qui s'est passé là, ça ne se reproduira pas ailleurs. Ça va être peut-être aussi pire, mais il va se passer d'autres choses ailleurs. Ça va être plus civilisé, mais comment ça va se faire? Ça, on ne sait pas. Et c'est un peu le thème de la préface qu'a écrit Dmitri Orlov, parce qu'étant russe, ayant vécu cette période justement pendant un certain temps, on avait une grande incertitude sur que va devenir l'arsenal soviétique, mais aussi celui des satellites. Parce qu'ils avaient des bombes en Allemagne, ils avaient des bombes en Pologne, ils avaient des bombes en Ukraine. Qu'est-ce qui se passe? Et pendant un certain temps, il y a eu... alors, ça, on n'en a pas écrit parce qu'il y a des trucs qui sont un peu secrets, qu'on ne peut pas dévoiler, mais... Enfin, moi, je l'aurais fait, mais j'ai co-écrit avec quelqu'un qui a un devoir de réserve, pardon. Et je sais qu'il y a eu des cas dans les années 90 où effectivement des armes nucléaires, pendant un certain temps, ont été perdues et qu'on a su récupérer parce qu'il y a eu une vraie collaboration, et c'est vraiment incroyable que ça soit fait, entre les services secrets de tous les pays et les Russes aussi, les Russes n'avaient pas intérêt que leurs armes soient utilisées ensuite dans des attaques terroristes par-ci par-là. Et on les a retrouvés. Normalement, tout a été retrouvé. Mais effectivement, demain, si les États-Unis tombent en dislocation, si des pays très instables, comme le Pakistan, partent en vrille, on a Israël qui a quand même une stratégie officielle et qui le déclare de mad dog, c'est-à-dire qu'ils ont une stratégie en disant nous, on est imprévisible, donc on peut utiliser nos armes n'importe quand. Donc, soyez gentils avec nous. Enfin, soumettez-vous. C'est un peu la stratégie de la Corée du Nord. C'est un peu la même stratégie. La Corée du Nord fait ça. Et elle le fait pour faire un chantage financier. Oui. C'est marrant. Et ça chaque paye. Année, elle fait des tests et elle reçoit 3-4 milliards de dollars d'aide alimentaire pour que ça se calme et elle recommence chaque année. Je trouve qu'il manque d'ambition parce qu'Israël, ça leur donne 38 milliards cette année-là. De l'aide officielle. Ouais, sur 10 ans, mais 3 milliards, 4 milliards par année, en gros. Oh, mais ça, c'est l'aide officielle. Mais là, il faut regarder tout le reste. Écoute, tant que ça marche, on joue. Hein. C'est ah, ben oui. Comme disait l'autre. Le con, c'est celui qui paye. Non, c'est... Écoute, c'est comme si tu allais... comme si tu vas dans un casino tu vas jouer, et tu vas voir le patron du casino et tu dis, tu sais, j'ai ta femme et ta fille chez moi, regarde, regarde la vidéo, c'est en live, en streaming. Si je perds, là, je vais jouer, si je perds, on les tue. Bah, tu gagnes. C'est un peu la même chose. Mais c'est intelligent. Donc il y a une stratégie, par exemple, de dire, si on est attaqué, on est capable d'envoyer, même sur des gens qui n'ont rien fait. Donc Israël a une stratégie de dire, attention, si nous sommes en danger, par exemple, si l'Iran nous attaque, on serait capable d'envoyer des armes, des têtes nucléaires sur l'Europe. Pourquoi l'Europe ? Ben, parce que vous n'avez pas fait suffisamment de pression sur l'Iran. Ça, qui nous vous n'avez qu'à nous défendre. Et ça, c'est très flippant, en fait. Oui. C'est inquiétant. Mais c'est comme ça. Là-dessus, Pierrot, je vais devoir te laisser. J'ai des contraintes. Je dois aller chercher mes enfants. Mais écoute, ça m'a fait plaisir. Il faut qu'on remette ça. Il faut qu'on le fasse plus souvent. Là. Moi, j'ai beaucoup de plaisir. Mais oui, c'est sympa. Puis, mais peut-être, éventuellement, si tu acceptais de traverser l'Atlantique encore une fois... Peut-être l'année prochaine, en fin d'année, en fin 2017, si on est tous encore là. Oh, tu crois que ça va aller mieux, toi, en 2017? Non. Je pense que les choses ne s'accélèrent pas en 15 minutes. Hein. Si on voit que par exemple, en ce moment, c'est une phase qui est à la fois très dangereuse à cause des élections américaines, mais en même temps très stable parce qu'il y a justement les élections américaines. Ouais. Après les élections américaines, il va y avoir un moment d'incertitude. Mais pour l'instant, en tout cas, moi, je trouve que c'est étrangement calme. Je m'attendais à plus d'actions terroristes en France après la rentrée. Et puis, il n'y a pas eu grand-chose. On ne sait pas tout ce qui se passe. Non, c'est sûr. On ne sait pas tout ce que fait vraiment la police. Parce qu'il y a quand même eu une vraie volonté d'avoir et ce dont parlent les médias ne reflète pas forcément tout ce que fait la police, parce que heureusement les polices européennes, elles ont quand même agi. On ne sait pas combien de gens ils ont vraiment arrêté et on ne sait pas combien de gens ont été éliminés. Il y a ça aussi, on ne sait pas de ça, on parle jamais de ça. Donc parce que autant on a des dirigeants corrompus partout, autant s'ils laissent faire trop d'attentats comme ceux qu'il y a eu cette année, et il y en a déjà beaucoup, ils risquent vraiment de perdre leur place au pouvoir. Donc ils mettent le peu de moyens qu'ils ont, ils les mettent à fond. Et je sais en revanche que les polices sont exténuées en ce moment, elles sont fatiguées parce qu'elles travaillent quasiment, tout le monde n'a plus de vacances, plus de battements, plus de réserves depuis presque un an. Donc c'est très fatigant pour les gens, mais moi j'ai beaucoup de respect et je salue beaucoup les forces de l'ordre qui travaillent dans l'antiterrorisme. J'ai eu un petit peu, on m'a expliqué un peu comment ça fonctionne et j'ai pu voir un peu des choses grâce à mon co-auteur. C'est vraiment des gens qui font un boulot vraiment impressionnant. Ben, en tout cas, merci beaucoup encore Pierrot, c'est un plaisir. On va faire, alors. Et puis on se reparle bientôt. À très bientôt et salut le Québec. Salut.